بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سنصوب الدرس الثاني. أولاً الأسئلة، أولاً الكلمات. عليك الكتاب، أسألك عن الكلمات. طب أوديو كالبلاع انتهى. طيب ما معنى السفوح؟ سي كوا المفرد؟ سوح. لا، صفح. فلوات. مفرد فلاح. نعم. سي كوا أرض؟ استمرأ، يستمرئ. Comment on dit une rive? Difaf. Ça c'est des rives. Ah. Une rive. Diffa. Diffa. Comment on dit se déplacer de lieu en un lieu? Tarhalou. Tarhalou, naam. Comment on dit faire fructifier ou investir? Istamfara. Istamfara, naam. Tu penses à semer les fruits et tu rajoutes ist. Namana armar. Fondeur. Namana turba. Turba, la terre. Comment dire enfermer une chose? Yahoui. Contenir. Hawa yahoui. Naam. Namana rifahiyya. Ma'ana sahla. Comment on dit tourisme? Siyaha. Économie. Iqtisad. Ma'ana ajala. Sur'a. Ma'ana mudhilun. Ajib jiddan. Ma'ana al-qimam. Le sommet. Les sommets. Qimam ala jam. Al-mufrad qimma. طيب تجيب عن أسئلة في النص. أولا يقول أين سكن الإنسان من الأرض؟ هو بيت الأم في قمام الجبل وسفوحها. لا، خطأ نحوي. قلت في سفوحها. أيوة، المعطوف مجرور. تدي في في قمام الجبال. après في سفوحها. ليس في سو يعني سفوحها. معطوف sur le majrour. نعم. تبي مي يعني في سنة. oui mais ils ont commencé سكن الجبال. toi t'as dit سكن في. ah t'as pas fait la même phrase que. وسفوحها وسكن السحرة فلا فقنسوا. Parce que j'ai mis Sakana. Sakana al-Sahara. Voilà. Taïeb. Ala ma kana yatamidu l'insanu fi hayatihi. Ala kouwati l'jism. Non. Mal dhrouf allati sa'adat l'insanu al istikrar. C'est quoi les choses qui l'ont aidé à s'installer? Ala kithratin al-ashya allati يسرت سبل العيش. يسحت سبل العيش. سيسرت. يسرت. أين توجد خيرات الأرض؟ ستروف لي بيان دو لا تير. على سطحها أو في أو في جوفها أو أعماقها أو مياهها. نعم. ماذا يحوي كل من الجبال والصحارى؟ معادن تقوم عليها. Que renferment les jibels et les déserts? suis tellement mal que je peux me relire. Ma'adin, taqoum aliha, c'est ça? Sana'at. Sina'at. Yani les montagnes renferment des métaux. Ou Sahara. Je crois qu'ils ont mis les deux ensemble, je crois. Là. La chaîne تحت رمالها مختلفة كما أن البحر الصحراء تستر تحت رمالها الثورات الكثيرة الثورات وثروات ثروات أيوة ريشيس ثورات سي دي ريفولوشن ثورة سي ريفولوشن ريفولت. Ilema qassama l'insanu al-ard. Ile aqtarin juli'at laha hudud. Un pays en mettant des frontières. Mada zahara ba'da dhalika? Zaharat al-qura wa al-mudun. Non, ce qui est pas après cela, les villes et les villages. Ile ay nou'in tahawwala al-iqtisad. À quelle forme de en quelle forme s'est transformé l'économie? من اقتصادي بدائي إلى اقتصادي متقدم. نعم. En fait, ça, je le mot cherché. La dernière fois, j'avais dit primaire. En fait, c'est primitif. Bouddhaï. Primitif que je cherchais comme mot. نعم. D'une forme primitive à une forme moderne, avancée. على أي شيء يعتمد الاقتصاد اقتصاد بعض الأقطار. Sur quoi se base l'économie de certains pays? وبعضها على أقطار يعتمد الاقتصاد اقتصادها على وبعضها على التجارة وبعضها على السلاح. هل انتهى عصر الاكتشافات؟ Est-ce qu'il finit le temps des découvertes? لا لا ما انتهى. والثاني c'était mettre les mots dans les trous. Tfaddal, jumla al-oula. Istanfara sadiqi amwalahu fi tijarati fi tijara. Naam, que mon ami fait fructifier ses biens dans le commerce. Inna subula najahi kathiratun. Inna ish subula an inna subula. Inna subula najahi kathiratun liman yurid. Biiznillah, que les sentiers de la réussite sont nombreux pour qui les veut. ثالثا ان كثيرا من الحيوانات تعيش في اعماق في اعماق نعم المحيطات que beaucoup d'animaux vivent dans les profondeurs des océans. صحيح. رابعا هل ستظل في ترحال دائما بين البلدان المختلفة. Est-ce que tu vas être en déplacement constamment entre les pays? رابعا اقتصاد معظم نعم معظم دول العالم يعتمد c'est دول en fait. Il y a une fatah sur le يعني la loi. C'est دول جمع دولة qui est un état. اقتصاد معظم دول العالم يعتمد على الزراعة. نعم. Que l'économie de la plupart des pays se base sur l'agriculture. سادسا. كثيرا ما يحوي الاهتمام بعض الأسئلة الصعبة. نعم. Que l'examen a beaucoup de questions difficiles. سابعا اخرا ظل الانسان منذ قدمي منذ قدمي يجوب الحمد لله عليكم السلام عليكم يجيب ارحب يجوب يجوب ارجاء ارجاء الارض بحثا عن الافضل ما معنى يجوب جاب يجوب نعم احسنت ما يعلم بحثا في هذه الجملة المفعول يجلي نعم ما يعلم الإنسان ظل الإنسان منذ القدم فاعل فاعل هذا لا سي با في الماضي سي سا في الماضي سي كوا كوم فيرب Ah, c'est quoi comme verbe? Zalla. Dans quel qism y a trop Zalla? Aïe, Yvan, il est sain. Isme Zalla. Où est-ce que tu Zalla? Il est où Khabar? جملة الفعلية يجوب الفعل والفاعل on a mis parmi les formes de khabar جملة فعلية أرجل اللي منصوب بقى خبر اسم ظل c'est ايوه الخبر c'est quoi les formes de khabar qu'on a pris خبر مفرد خبر خبر جملة et dans la jumla il y a quoi فعل الجملة فعلية وجملة اسمية خاصة جملة فعلية كما تدي مثلا زيدون ذهب للمسجد إلى الخبر ذهب avec le domaine مستتير alors c'est quoi dans la phrase du coup là ظل c'est le fir الإنسان c'est son اسم et يجوب هو يعني مع الضمير c'est le خبر طيب ندخل في الدرس الثالث سماء الأسرة إلى un petit peu moins géographique que l'autre les mots sont plus faciles الأسرة إذا quoi الأسرة نعم la famille كلمة جديدة كيفية كيفية ce serait le comment hafadatun hafadatun c'est le djem de hafid et le hafid c'est le petit-fils les petits-enfants la hafada c'est les petits-enfants on a faïda déjà fi hadith al-hasan anu qala حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الأول قال سبت رسول الله il est écrit comme étant سبت رسول الله dans أربعة النووي سبت c'est quoi c'est le petit fils ما الفرق بين السبت والحفيد السبت c'est du côté de la fille et الحفيد c'est du côté du garçon du fils en fait مما أذكر طيب بعد هذا سكنا يسكنو il est zawja à la base sakana c'est le fait d'habiter et là sakana les zawja c'est le fait de s'accoupler avec la femme sihrun sihr c'est aujourd'hui s'employer comme étant les beaux-frères Un sihr, aujourd'hui, sont les proches par rapport à la femme. Je sais ma tafsir que Cheikh Enfumi l'avait donné, je l'ai oublié. Mais ce qui est connu chez les gens aujourd'hui, c'est ça. Quand on dit sihri, c'est peut-être le beau-frère. Ça peut être également le beau-père. Mustalzimat, c'est les choses dont on a besoin, ou l'accessoire. Walitha, yalitho, ça c'est hérité. Mazaya, ce sont les distinctions. Ahdan, c'est l'éducation donnée. Awatif, c'est le jam de Atifa, c'est, on va dire, les sentiments. J'aime Atifa. J'aime Atifa. Atifa, y'a Alif. Atifa. Talakka, y'a talakka. C'est recevoir, je crois. Si je me trompe pas. Dans le texte, ça va apparaître dans l'autre sens, on corrigera, Inch'Allah. Recevoir, oui. Wa talaqqa Adam min rabbika kalimatin fataba alayhi. Taqalid. Ce sont les coutumes héritées des anciens. تعرف يتعرف c'est s'habituer à quelque chose ou connaître apprendre à se connaître هودا يهود c'est ça c'est judaïsé أن تجهل يهوديا وينصر ينصر là c'est christianisé. Rendre Nasrani. Majjasa ou Majjisu, c'est rendre Majjus. Ihtava, yahtavi, mana iktada. Iktadi, c'est le fait de suivre les traces un peu. Taïb, elle est nakra. C'est bon, Dani. Mana iktada. Ihtava. قال للأسرة أهمية في المجتمع المسلم فلذا اهتم بها الإسلام que la famille a une grande place dans la société musulmane, c'est pour ça que l'islam en a pris a donné beaucoup d'importance. فنزلت الآية الكثيرة توضح العلاقة الأسرائية والروابط بين أفرادها. C'est pour cela que beaucoup de versets sont venus pour éclaircir les liens familiaux, ainsi que les liens entre les membres de la famille. قال الله تعالى وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَظَ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ que Allah a fait, vous a donné de vous-même une épouse et qui vous a donné de vos épouses des fils et des petits-fils et vous a octroyé du bien en substance. وقال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Que parmi ces signes qu'il a créé de vous-même vos femmes pour que vous puissiez vous accoupler avec elles, cohabiter avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a certes en cela des signes pour un peuple qui réfléchit. Wa qala ta'ala وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. Qui est celui qui a créé depuis l'eau un humain et l'a fait de lui des descendances, une descendance, on va dire, et des liens de parenté, et que ton Seigneur est capable de toutes choses, omnipotent. فالأسرة كالجسد. Donc la famille comme un corps. كل فرد فيها يمثل عدوا هما له حقوق. que chaque membre représente un membre du corps. Chaque membre de la famille représente un membre du corps. Un membre important qui a des droits. Wa alayhi wajibat, et qui a des obligations. Wa kullu fardin fiha lahu dawrun yu'addih. Ils ont chacun une part à remplir. Fa idha qassara fi dawrihi dhahara atharu dhalika ala usratihi. Si jamais il est négligent dans sa part, dans sa tâche, responsabilité, cela apparaîtra dans le reste de la famille. Cette négligence apparaîtra. فَالْأَبُّ رَبُّ الْأُسْرَ فِيهَا. Donc le père, c'est l'éducateur de la famille. C'est le seigneur de la famille. وَحَقُّ الْأُسْرَ عَلَيْهِ أَنْ يُوَفِّرَ لَهَا مُسْتَلْزِمَاتِ الْحَيَاتِ مِنْ غَدَاءٍ وَكِسَاءٍ وَعِلْمٍ. Et lui, son droit sur sa famille, c'est qu'il leur apporte ce dont ils ont besoin dans la vie, comme nourriture, comme vêtements ou comme science. بَلْ يَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى التَّوْجِيحِ وَالْإِرْشَادِ. Que même cela doit aller jusqu'au fait qu'il ait donné des instructions et des directives. وَأَنَّ يَكُونَ قُدْوَةً صَالِحًا. Et qu'il soit un exemple, un bon exemple. وَالْزَوْجَةُ شَرِيكَةُ الرَّجُلِ. La femme, c'est la partenaire de l'homme, son associé. وَرَبَّةُ بَيْتِهِ وَأُمْ أَوْلَادِهِ وَمُوْدِعْ سِرِّهِ. Quelle est l'éducatrice dans sa maison, la mère de ses enfants, et quel est ce qui contient ce secret à l'homme. وَمِنْ أَهَمْ أَرْكَنَ الْأُسْرَةِ. Parmi les plus importants piliers de la famille. إِذْ يَرِثُ أَوْلَادْ عَنْهَا كَثِيرًا مِنْ مَزَايَاتِ وَالصِّفَاتِ وَفِي أَحْضَانِهَا تَتَكَوَّنُ أَوْعَاطِفَ الطِّفْلِ وَيَتَلَقَّى لُغَتَهُ أَوْ لُغَتُهُ. Donc justement, l'enfant hérite d'elle beaucoup de choses, parmi les distinctions, parmi les caractéristiques, et dans sa façon d'être éduqué. Et c'est par là que se forment les sentiments de l'enfant. Et qu'il reçoit la langue. وَيَكْتَسِبُ كَثِيرًا مِنْ تَقَالِدِهِ وَعَادَاتِهِ. Et c'est là également qu'il reçoit beaucoup de ses habitudes, de ses coutumes. وَيَتَعَرَّفَ عَلَى دِينِهِ. Et qu'il le reconnaît et qu'il apprend sa religion. وَيَتَعَوَّدَ السُّلُوكَ الِجْتِمَعِي النَّبِيلِ. Qu'il s'habitue à vivre en société de façon correcte. مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِدَانِهِ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a pas d'enfant sans qu'il naisse sur la fitra, c'est-à-dire prédisposé à recevoir l'islam, sur le tawhid. Ce sont ses parents qui le judaïsent ou qui le christianisent ou qui en font un majus. وَالْأَبْنَى عَلَيْهِمْ تَعَتُ الْأَبَى. Et que les fils doivent obéir au père. Quand on dit l'abna, c'est aussi les filles. C'est à la bab taghrib. وَنْ يَسْلُكُوا فِي الْمُجْتَمَعِ سُلُوكًا حَسَنًا لِنَا سُلُوكَهُمْ الْإِجْتِمَاعِ. طيب. Et qu'ils suivent une bonne voie, qu'ils avancent correctement dans la société. لِنَا سُلُوكَهُمْ الْإِجْتِمَاعِ مِرْآتُ لِسُلُوكِهِمْ الْأُسْرِي. Car leur comportement en société reflète, on va dire c'est un miroir, de leur comportement familial. وَلَا الْكِبَارْ الْعَطَفْ عَلَى الصِّغَارْ. Et que les grands doivent faire compassion, preuve de compassion envers les petits. وَلَا الصِّغَارْ يَحْتِرَمْ الْكِبَارْ. Que les petits doivent respecter les grands. وَنْ يَكُونَ الْكَبِيرُ لِلصَّغِيرْ قُدْوَةً حَسَنًا وَمِثَالًا طَيِّبًا يُحْتَذَا. Et que le grand soit pour le petit un bon exemple à prendre, une bonne voie à suivre. نعم طيب. الآن لغاد ستجيب الأسئلة. يقول لماذا اهتم الإسلام بالأسرة. Pourquoi est-ce que l'islam a donné de l'importance à la famille. كيف عرفت أن الإسلام يهتم بالأسرة. Comment as-tu su cela. ماذا تشبه الأسرة أبو وسم لفامي ما واجب الأب تجاه أسرته quelle est l'obligation du père face à sa famille ما الروابط التي تربط بين أفراد الأسرة quels sont les liens qui sont présents entre les membres de la famille ما دور الزوجة في الأسرة quelle est la part de la mère ou de la femme dans la famille ما دور الأبناء في الأسرة la part des fils des enfants dans la famille ما أسباب تفكك الأسرة quelles sont les choses qui font que la famille se démantèle se sépare se divise وعفواً ما أسباب تفكك الأسرة نعم مصدر تفكك qui veut dire une chose qui se démonte qui se démantèle كيف تكون العلاقة بين الصغار والكبار في الأسرة المسلمة comment sont les liens entre les grands et les petits dans une famille musulmane وكذلك عليك الثاني qui est d'utiliser les mots suivants dans les phrases مفيدة من عندك مستلزمات ce dont tu as besoin يرث qui est le مضارع de ورثة hérité سهر les proches كيفية le comment نصر christianisé مزايا distinction هود judaïsé تقاليد les coutumes يمجس le fait de rendre majus أحضان c'est l'éducation qui est donnée la façon d'éduquer on va dire plutôt إحتذى on a dit c'est le maintenant اقتداء سكن الزوجة et cohabiter avec la femme حفظتون les petits-fils عواطف sont les sentiments تلقى recevoir تعرف تمام tu fais des phrases avec ces mots-là si tu veux plusieurs dans une même phrase كما تريد الانرجيه للنص يقول للاسره اهميه في المجتمع المسلم في هذه الجمله اين الخبر اين المبتدا الاسره خبر خبر مقدم المبتدا اللي هو C'est simple, le khabar il vient pour informer une chose par rapport au Moutada. Donc si tu as compris cela, le Moutada, tu le trouves. On parle de quoi là ? Ma wa modo a dit jumla. Wa Moutada les marfois. Il usrati ahamiyatun fil mujtama al muslim. Ahamiya c'est Moutada al mu'akha. Il a été retardé, décalé. Et là, il était retardé obligatoirement parce qu'il est Nakira. Et le Khabar, il est Ma'arifa. Dans ce moment-là, tu es obligé de faire un Taqdim, car tu ne peux commencer une phrase par un Nakira à la base. Là, c'est des Ahkam qui vont quand est-ce que le Mutadam au Qaddam, quand est-ce qu'on l'Akhar, ça viendra plus tard, Inch'Allah. Taïb. كذلك في الآية وجعل بينكم مودة ورحمة ما يعلم بين في الآية تحت وجعل بينكم مودة ورحمة. أحسنت. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما يعلم آيات. مجهور. مجهور. par quoi? في عند ذلك. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لكن في المحل محل جر صح؟ من مبني محل جر. لا شو بقول لا parle là. لا لا آيات. C'est pas حرف الجر كي لا. لكم يتفكرون. C'est quoi le premier harf de la phrase? Inna ma'amel inna. Tu sais le mot de la Inna le mot de la خبر مقدم إن اسم إن آياتين أيوة آياتين سي لو اسم إن منصوب جمع مذكر جمع مؤنث وعلامات النسبية كسرة نعم لأنه جمع مؤنث سالم وكان ربك قديرا أعرب جل وكان ربك قديرا وعطف وكان كالماضي من يعني الفتح لو على الأمر الأعلى ربك اسم كان رب مضاف وكيف دمر متصل مبني في محل جر هدف له قديرة خبر كان منصوب خبر كان منصوب أحسنت طيب تحت أن يكون قدوة صالحة ما يعلم أن يكون قدوة صالحة أن سي حرف نصب نصب ومصدر وسكون نعم أحسنت يكون في المضارع مبني في المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نعم الكبير قدوة صالحة الكبير سي ايش كبير؟ اين انت؟ انا كنت كبير لا فوق ان يكون قدوة قدوة صالحة نفعل به؟ سي تري فاسيل ان يكون اي فعل هذا؟ ما هو الماضي؟ كان ما عمل كان؟ Ok, là c'est Ism Kana. Ism Kana, Kudwa. Kudwa Ten, Ism Kana, Mansoub. L'ism de Kana, il est Mansoub. Khabar. Taïeb, Kudwa Ten, Khabar. Khabar, Yakun. Salihah. Et l'un ou l'autre, Ism. Salihah, Yo, Kadmil. Salihah. سيحة نعت نعت ده قدوة إلو الاسم مستطير نعم ضمير مستطير أحسنت وزوجته شركة رجل ما يعرب هذه الجملة وزوجته لا مبتدا نعم شريكة خبر الرجل خبر مبتدا خبر مضاف خبر مضاف والرجل مضاف إليه نعم شريكة خبر هو مضاف ورجل مضاف إليه أحسنت تحت ويكتسب كثيرا من تقاليده وعاداته ما يعرب كثيرا ساحل نعم ساحل تحت فأبواه يهودانه أعليب يهودانه فعل ماضي لا فعل مضارع نعم مرفوع مرفوع بالألف بالألف علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفخال خمسة أحسنت وما يعلى بالألف الألف هنا يهودانه فارقة لا لا لا تبتعد لا با لوان من الأفخال خمسة سي كوا بارتيكيتي الأفخال خمسة وفاعل الألف هنا ألف الاثنين وفاعل طيب آخر تحت وأن يسلكوا في المجتمع ما يعلم يسلكوا في المضارع نعم منصوب بأن نعم وعلامة نصبه حرف النون أحسنت والواو فاعل أو جماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل أحسنت خلاص نقف هنا اليوم ولك الباقي للغد إن شاء الله تعالى تمام فلو هنا والحمد لله رب العالمين.